Chapitre 18e, conclusion. La chute de Mendez fut, pour ainsi dire, le signal de la mêlée. On n'entendit plus que le bref et sonore crépitement des carabines et des revolvers, le sifflement prolongé des balles et les cris des hommes engagés dans une lutte à mort. Les pâtres du rancho étaient là avec Buffalo Bill, Ralph Duncan et Harper Clyde. Au bruit de la bataille, Howitta n'hésita plus. Personne mieux que lui ne connaissait les passages et les issues du canyon. Pendant que les cavaliers du major Bolton accouraient pour couvrir la fuite des prisonnières, il appela ses guerriers et suivit les non-combattants qui s'étaient déjà mis en retraite. Seul avec ses guerriers, il aurait sans doute résisté comme un vieux loup farouche aux abois. Mais pour sauver les femmes et les enfants de son campement, il se décida à fuir, espérant qu'il passerait inaperçu pendant que les outlaws, en qui il n'avait plus confiance, soutenaient le combat sur les hauteurs. Cependant, Madge et Mrs. Dennison, entendant le major Bolton et ses hommes arriver derrière elles comme une tempête, s'arrêtèrent pour les attendre, non loin du lieu où gisait le Mexicain, qui, tout meurtri qu'il était, respirait et remuait encore. Un instant après, le major descendait du cheval auprès de la jeune fille. Retenant la main qu'elle lui tendait, il plongea dans ses yeux un long regard anxieux et chercheur. « Est-ce vous, Wild Madge, la petite fille trouvée après une tuerie indienne, et qui a depuis vécu chez le juge Dennison ?»« Oui, c'est moi. » »« Miséricorde céleste, est-il possible que je retrouve en vous la fille de ma sœur, que je cherche depuis que j'ai obtenu il y a 2 ans quelques renseignements sur sa disparition ?»« Oui, c'est l'enfant de Marion Wade. » prononça une voix faible et entrecoupée, la voix de Mendez, le Mexicain. Le major courut auprès de lui. « Ah, vilain, vous voilà. J'ai toujours soupçonné que vous étiez dans l'affaire. Vos heures sont comptées. Avant de partir, faites au moins une bonne action. Racontez-moi tout. »« Je vais le faire, car le secret ne peut m'être d'aucun secours. C'est moi qui fus la cheville ouvrière du complot, car Mariana n'était que mon instrument parce qu'elle m'aimait. Elle haïssait votre sœur. Elle avait juré qu'elle la tuerait, à cause de quelques marques de dédain qui semblaient d'impardonnables outrages à son esprit ombrageux. Je lui suggérais une meilleure vengeance. Le colonel Wade était riche, et je l'engageai à enlever son unique enfant, lui disant que nous pourrions ainsi torturer le cœur de la mère, puis lui revendre l'enfant, et avec la fortune ainsi obtenue, nous réfugier dans le Mexique. Elle m'aimait, elle avait soif de vengeance, elle m'obéit. Mais juste à ce moment, j'avais une querelle sur les bras, et je plantai un couteau dans le dos de mon adversaire, de sorte qu'au lieu d'attendre Mariana, il me fallut fuir avec les limites de la loi à mes trousses. Il était trop tard pour que Mariana pût arrêter l'exécution de notre projet. L'enfant était déjà enlevé. Je lui écrivis de la frontière lointaine où je guettais les événements. Il partit pour me rejoindre. Ce fut dans ce voyage que le train où elle était avec l'enfant fut pillé par les Comanches et tous les voyageurs égorgés. Je restai des années sans savoir le sort de la petite fille du colonel Wade. Mais j'appris enfin que c'était Wild Madge, du Brazos, et qu'elle était alors orpheline et héritière de toute la grande fortune de son père et de sa mère défunt. Je faisais partie de la bande d'El Culebra, qu'on appelait Damon Reeves, la terreur de la piste au Texas. Je lui racontais l'histoire. Il dressa un plan pour gagner le cœur de la fille et pour s'emparer, en l'épousant, de toutes ses richesses, dont il me promit une part. Il connaissait un secret de la vie de Tom Dennison. Dennison avait tué jadis un homme puissamment riche et s'était enfui des États. Or, un frère de l'homme assassiné demeurait à moins de 100 000 de Rancho du juge sur le Brazos. Un peu au moyen de ce secret, un peu au moyen de ses 12 paroles, El Culebra soumit à son influence Tom Dennison et le prévint contre Ralph Duncan. Il voulait aussi perdre Harper Clyde dans son esprit, mais il fut impossible d'amener Wild Madge à s'intéresser au capitaine, et Dennison ne voulait pas forcer ses inclinations. Alors nous ourdîmes un abominable complot. Damon Reeves devait prouver qu'il n'y trempait pas en étant absent lors de l'exécution et en dirigeant la poursuite, si c'était possible. Je tuai Dennison et j'essayai d'en faire autant du boy Ralph, qui nous gênait sur notre chemin. Les Comanches exécutèrent convenablement leur part de la besogne, mais nous ne sûmes pas mener la nôtre à bien et voilà la conclusion. À mesure qu'il approchait de la fin de son histoire, la voix de Mendez devenait de plus en plus faible et toute la dernière partie, ce fut en rauque murmure qu'il la chuchota à l'oreille du major baissé vers lui. En balbutiant les derniers mots, il se renversa en arrière, complètement épuisé, la sueur de la mort prochaine au front. Abandonnant ce moribond, le major Bolton leva les yeux. Madge était toujours là, mais Harper Clyde était à côté d'elle. Pas bien loin se tenait Ralph Duncan, regardant les amoureux avec une expression de physionomie bizarre. En haut, le bruit de la bataille avait cessé. Épouvantés d'avoir vu tomber leur chef, les Outlaws avaient pris la fuite, poursuivis par Buffalo Bill et les cavaliers. Quelques heures plus tard, sortaient du canyon les troupes réunies des soldats et des hommes de la plaine, en route pour le rancho ruiné, qu'ils atteignirent sans être poursuivis après 2 ou 3 jours d'un dur voyage. Là, on retrouva une grande partie des bestiaux et des instruments de culture, et Mrs. Dennison n'aurait pas été tout à fait sans ressources si elle avait voulu rester sur son domaine. Mais, hélas, parmi les braises éteintes qui marquaient la place de la hacienda, on trouva aussi les restes carbonisés du juge Dennison, et sa femme, l'horreur au cœur, se détourna du lieu qui avait été naguère le foyer de leur bonheur pour suivre la fortune de Madge. Celle-ci, avec l'aide du major Bolton, qui prit dans cette grave circonstance un congé, fit les démarches nécessaires pour entrer en possession de son héritage. Harper Clyde l'accompagnait comme son fiancé, et avant que les neiges du second hiver fussent fondues, tous les deux ne firent plus qu'un. Buffalo Bill retourna aux Hard Times et Ralph Duncan avec lui. Ils furent accueillis par des acclamations répétées en l'honneur de l'éclaireur et de son jeune parde. Tom Lane avait fait enterrer le corps de Brazos Bill. Buffalo Bill ayant accompli le dessein pour lequel il était venu au Texas, partit sur le long et solitaire chemin du Nord-Ouest où le devoir l'appelait. Ralph Duncan le visita plus tard là-bas et prit part à plusieurs expéditions avec ce fameux roi de la frontière. Mais, s'étant fixé au Texas, le jeune homme y devint un rancher et fit fortune dans son rancho. Bien des hommes le connaissent encore, pour avoir été le brave petit parle de Buffalo Bill, qui traqua à mort El Culebra et ses terreurs de la piste Texas. Ainsi s'achève, sur la piste de la terreur du Texas, par Buffalo Bill.